Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes maintenant prêts à poursuivre avec le quatrième et dernier point de notre chapitre 10 intitulé « Les traités inégaux et la deuxième guerre de l'opium 1856-1860 ». L'ouverture forcée de la Chine et la suppression des règles du système de canton par l'Angleterre suite à la première guerre de l'opium suscita beaucoup d'intérêt chez les autres puissances impérialistes occidentales et rapidement, tous voulurent imiter l'exemple britannique afin d'obtenir un accès privilégié au lucratif marché chinois. C'est ainsi qu'à partir de cette époque, nous entrons dans une nouvelle ère, dans une nouvelle période de l'histoire chinoise qu'on appelle dans l'historiographie anglo-saxonne le Treaty Ports Era, alors que se met en place ce qu'on appelle en français le système des traités. Il s'agit d'une période caractérisée par la domination des puissances impérialistes sur la Chine et par les développements qui se produisent à partir des villes portuaires, selon les règles dictées par des traités imposés à la dynastie Qing. C'est ainsi que, à partir de 1843, les puissances impérialistes tirèrent avantage de la faiblesse militaire et politique de la dynastie Qing pour lui imposer ce qu'il convient de nommer des traités inégaux, qui se calquent pour l'essentiel sur les acquis obtenus dans le cadre du traité de Nanking de 1842. Alors que plusieurs historiens considèrent le traité de Nanking comme le premier traité inégal de l'histoire des relations entre la Chine et l'Occident, pour ma part, le traité de 1842 devrait principalement être vu comme un traité venant mettre fin à une guerre. À cet égard, l'inégalité que les historiens ont longtemps vue dans le traité de 1842 serait davantage le reflet de l'inégalité militaire en soi, et donc tout simplement le fait que le pays qui perd une guerre se fait souvent imposer des clauses qui peuvent être perçues comme inégales après coup. Prenons à titre d'exemple le traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. C'est un traité qui a très rapidement été décrié comme un traité injuste dont les conditions avaient été imposées à l'Allemagne. Cela étant dit, on peut dire que la guerre de l'opium a été perdue de manière catégorique par la Chine et que l'Angleterre victorieuse a imposé ses conditions pour mettre un terme aux hostilités, d'où la perception d'une égalité notoire. Cependant, les traités qui viendront par la suite et qui seront imposés à la Chine ajouteront des clauses spécifiques qui n'ont rien à voir avec des hostilités militaires et qui sont plutôt le reflet d'une inégalité de statut au sein d'un nouvel ordre international et civilisationnel qui est en train de se dessiner alors au 19e siècle avec l'impérialisme occidental comme modèle fédérateur dominant. Selon ma lecture de l'histoire chinoise, le premier des traités inégaux est le traité du Bogue, imposé à la dynastie Qing par l'Angleterre en octobre 1843, sans qu'il n'y ait eu d'affrontement militaire. C'est un traité qui est tout simplement venu s'ajouter au traité de Nanking, comme si l'Angleterre avait oublié de préciser quelques détails au sujet de ce dernier, en y ajoutant deux clauses qui vont constituer l'armature centrale, voire le cœur du système des traités inégaux, soit le principe de l'extraterritorialité judiciaire et surtout la clause de la nation la plus favorisée. Les Britanniques sont parfaitement conscients de l'appétit des autres puissances impérialistes et de la rivalité qu'elles entretiennent entre elles. Et c'est pourquoi cette clause fut ajoutée. D'abord parce que les droits d'accès obtenus par l'Angleterre en 1842 avaient été conférés aux autres puissances impérialistes, mais principalement afin d'empêcher que la dynastie Qing ne noue une alliance avec une autre puissance rivale visant à contrer les intérêts britanniques. Cette clause postule spécifiquement que tout avantage qui serait concédé par la dynastie Qing à une autre puissance étrangère serait automatiquement concédé à l'Angleterre puisque celle-ci est la nation la plus favorisée. Pour sa part, la clause de l'extraterritorialité soutenait que les ressortissants britanniques échappaient dorénavant à la justice chinoise et qu'ils n'étaient soumis qu'aux lois anglaises, même lorsqu'ils se trouvaient en territoire chinois. Dans ce contexte, on voit que, très rapidement, les autres puissances occidentales vont aussi profiter de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la dynastie Qing pour lui imposer à leur tour des traités inégaux contenant des concessions qui leur étaient favorables. Par exemple, la France impose le traité de Whampoa en octobre 1844, sans qu'il n'y ait eu d'affrontement militaire, ajoutant par ailleurs une clause spécifique sur le droit de diffusion du catholicisme en Chine, ce qui est une première depuis l'expulsion des missionnaires suite à la querelle des rites chinois au 18e siècle. Le traité de Whampoa contenait aussi une clause de protection mutuelle qui reposait sur le principe à partir duquel les puissances impérialistes occidentales se considéraient en quelque sorte des alliés face à la Chine et qu'elles s'entendaient entre elles pour secourir les ressortissants des autres pays s'ils étaient confrontés à des problèmes. La même année, les Américains avaient aussi imposé le traité de Wangxia en juillet 1844, contenant des clauses confirmant le droit de diffuser la religion protestante et surtout le droit d'étudier la langue chinoise qui était alors prohibée pour les étrangers en Chine. Fait notoire qui est aussi important à souligner, le traité de Wangxia est le premier traité qui fait explicitement mention de la question de l'opium et qui accepte la prohibition demandée par le gouvernement chinois. Finalement, dans la liste des principaux traités inégaux du 19e siècle, on peut aussi mentionner le traité d'Aigun, imposé par la Russie en 1858, un traité qui est venu redéfinir la frontière du Nord-Est séparant la Chine de la Russie à l'avantage de cette dernière. Cette frontière, on se rappelle, avait été délimitée en 1689 avec la ratification du traité de Nertchinsk. Continuant avec le 19e siècle, il y eut aussi le traité de Tianjin en 1858 et la convention de Pékin de 1860 qui sont venus mettre fin à la seconde guerre de l'opium et surtout le traité de Shimonoseki de 1895 que les Chinois appellent le traité de Maguan, mettant fin à la première guerre sino-japonaise. Ces traités inégaux constituent une armature juridique internationale servant de base à ce qui fut nommé le système des traités, c'est-à-dire un ensemble de conditions et de règles dans lesquelles l'intégration internationale de la Chine des Qing fut mise en application. On parle ici de traités inégaux parce que ceux-ci contiennent plusieurs clauses qui viennent renforcer la notion d'inégalité entre les puissances impérialistes et la Chine, alors que cette dernière perd une part substantielle de son autonomie politique et qu'elle subit leur expansion en Extrême-Orient dans la deuxième moitié du 19e siècle. Pour leur part, les historiens chinois réfèrent à cette période de l'histoire en parlant d'une époque semi-coloniale pour illustrer la perte d'autonomie politique du gouvernement de la dynastie Qing. Considérant les facteurs d'inégalité de ces traités, en plus de perdre le contrôle de ses frontières, la dynastie Qing perd aussi le contrôle de ses douanes maritimes, alors que la valeur de la tarification est dorénavant dictée par les puissances étrangères, surtout à partir de la mise en place du Chinese Maritime Customs Service en 1854. Ce système des douanes maritimes chinoises a été essentiellement dirigé par des étrangers, d'abord par Horatio Nelson Lay entre 1851 et 1863, puis sur Sir Robert Hart de 1863 à 1911. Les responsabilités de ce bureau des douanes étaient nombreuses, incluant le contrôle des douanes maritimes, la gestion des eaux portuaires et des voies d'accès, le service postal, une réforme de la monnaie et la négociation de prêts internationaux. Paradoxalement, alors que la Chine se trouvait à perdre une part importante de son autonomie politique, ce contrôle étranger des douanes maritimes chinoises a tout de même contribué à stabiliser les finances de la dynastie Qing, qui était alors aux prises avec la révolte des Taiping, et cette stabilisation a été grandement utile pour renverser justement ce mouvement de révolte dont nous avons déjà parlé. Les traités inégaux vont aussi inclure la notion d'extraterritorialité, faisant en sorte que les ressortissants étrangers qui étaient présents en Chine échappaient dorénavant à la loi chinoise. Conséquemment, le gouvernement chinois n'avait pratiquement plus aucune autorité sur les étrangers qui étaient présents sur le territoire chinois et surtout n'avait que très peu de contrôle sur leurs activités. Par ailleurs, toutes les puissances impérialistes ajoutèrent aussi à leur compte la clause de la nation la plus favorisée, initialement réservée à l'Angleterre, mais maintenant appliquée à tous les autres, ce qui faisait en sorte que les avantages concédés se multipliaient automatiquement entre les puissances impérialistes. Finalement, le principe de protection mutuelle fut aussi accepté de tous, ce qui eut pour effet la création d'un genre d'empire transnational constitué de pays ligués en quelque sorte contre la Chine des Qing dans le but de l'exploiter économiquement. Quand on l'observe sur papier, le système des traités constituait une série de mesures légales excessivement bénéfiques pour les puissances impérialistes, au détriment de la Chine. Mais dans les faits, on peut dire qu'il y avait bien souvent loin de la coupe aux lèvres, surtout en ce qui concerne les traités signés avant 1860. En fait, la plus grande faiblesse de ces traités était qu'ils contenaient des concessions sur papier, alors que rien ne garantissait effectivement leur application dans le réel. On peut donc dire que, plus souvent qu'autrement, les étrangers qui étaient présents en Chine rencontraient régulièrement des difficultés, notamment pour l'accès aux villes qui étaient ouvertes sur papier, alors que les autorités locales tergiversaient constamment pour ralentir leur accès. Ainsi, dans la deuxième moitié du 19e siècle, alors que la dynastie Qing était davantage préoccupée par sa propre survie, notamment dans le contexte de la rébellion des Taiping, les Occidentaux étaient davantage préoccupés par la mise en application des clauses des traités imposés à la Chine. Et c'est dans ce contexte que débuta ce qu'on nomme la Deuxième Guerre de l'Opium, qui dura entre 1856 et 1860. Il s'agit d'une guerre qui n'a de lien avec l'opium que le nom, et c'est une guerre que les historiens anglo-saxons nomment bien souvent la Arrow War. La Deuxième Guerre de l'Opium opposa l'Angleterre et la France à la Chine, mais les États-Unis et la Russie y contribuèrent aussi financièrement, sans toutefois participer directement aux hostilités en tant que telles. Pour bien comprendre les raisons qui ont mené au déclenchement de cette guerre, Il faut être en mesure de bien distinguer les motivations profondes qui aident à comprendre le désir de guerre et les prétextes donnés qui ont servi de justification au déclenchement des hostilités. D'abord, le contexte d'insatisfaction générale dont nous venons de parler quant à la mise en application des traités faisait en sorte que les Anglais voulaient renégocier les traités qu'ils avaient imposés à la Chine en 1842 et 1843. Or, les Français et les Américains avaient ajouté à leur traité de 1844 une clause de renégociation après 12 ans. Et puisque les Anglais avaient obtenu la clause de la nation la plus favorisée dès 1843, ceux-ci se croyaient en droit de renégocier leur propre traité, même si les autorités chinoises n'étaient pas pressées de retourner à la table des négociations. Parmi les requêtes que les Britanniques voulaient renégocier, on voulait ouvrir plus de ports au commerce, en particulier à l'intérieur des terres le long du fleuve Yangtze. Mais surtout, on voulait un accès diplomatique permanent à la capitale chinoise pour y établir une légation étrangère, voire une ambassade. Le prétexte qui servit de casus belli aux Anglais vint en 1856, alors qu'un bateau anglais nommé le Arrow fut arraisonné par les autorités chinoises parce qu'on le suspectait de jouer un rôle dans la contrebande d'opium. L'équipage du Arrow était constitué de marins chinois, mais le bateau battait pavillon britannique. Et lors de l'intervention, les autorités chinoises ont retiré le Union Jack du haut de son mât. Et il n'en fallait pas plus pour que les Britanniques crient à l'outrage et à l'insulte diplomatique en s'appuyant sur le principe d'extraterritorialité. On demanda alors des excuses au gouvernement impérial chinois pour l'honneur national britannique ainsi bafoué par ce manque de respect à l'égard du drapeau national, et comme les autorités chinoises refusèrent de s'excuser pour leur geste, la guerre fut immédiatement lancée, à nouveau pour restaurer l'honneur national des Britanniques qui avait été bafoué par les autorités chinoises. Pour leur part, les Français utilisèrent le prétexte de l'assassinat d'un missionnaire catholique dans la province du Guangxi pour aller à leur tour exiger des excuses de la part du gouvernement chinois. Tout comme ce fut le cas pour la première guerre de l'opium, la seconde guerre de l'opium se déroula presque à sens unique et dès 1858, on convint de la fin des hostilités alors que le traité de Tianjin fut signé, stipulant l'ouverture de nouveaux ports à l'intérieur du continent, l'établissement d'une légation permanente à Pékin, ainsi que la tenue d'une conférence tarifaire à venir. Le traité de 1858 mentionnait aussi que, pour éviter tout malentendu sur la signification du contenu des traités, la langue anglaise aurait préséance sur la langue chinoise dans l'interprétation du document. Et surtout, que le traité devait être ratifié par l'empereur en personne et non pas seulement par un représentant qu'il aurait nommé. Or, devant la procrastination des autorités chinoises pour faire authentifier le traité et le faire signer par l'empereur, les troupes étrangères menées par Lord Elgin ont déferlé leur colère à l'intérieur de la ville de Pékin et ils ont pris d'assaut le palais impérial d'été, le Yuanmingyuan, qu'ils ont complètement saccagé pour augmenter la pression sur l'entourage impérial. Finalement, la Convention de Pékin fut ratifiée en 1860 pour mettre fin à la Deuxième Guerre de l'Opium, guerre dont l'impact a été considérable sur la Chine, autant à court terme qu'à long terme. D'abord, Il est vrai qu'il faut considérer le fait que déjà, la défaite de la première guerre de l'opium avait profondément marqué certains intellectuels chinois qui lançaient régulièrement des cris d'alarme au gouvernement. Mais c'est vraiment suite à la deuxième guerre de l'opium que la dynastie Qing va commencer à prendre la mesure de la vague d'agression impérialiste qui déferlait alors sur elle. Conséquemment, et c'est ce que nous verrons à partir de la semaine prochaine, la dynastie Qing va se lancer dans un important mouvement de modernisation, et ce, dès 1860, afin de tenter de faire face aux défis posés par la présence des puissances étrangères en Chine. Par ailleurs, la Deuxième Guerre de l'opium a aussi eu un impact historique considérable à long terme, alors que, encore aujourd'hui, les touristes ont la possibilité de visiter les ruines du Yuanmingyuan qui a été saccagé par les Anglais et les Français dans le cadre de cette fameuse guerre de 1856-1860. Ce souvenir historique, à jamais gravé dans le territoire et dans l'histoire, a contribué à générer une image négative de l'Occident en Chine. Une image négative sur laquelle nous reviendrons au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, et une image sur laquelle le nationalisme et le patriotisme chinois se sont édifiés tout au long du 20e siècle. Il s'agit là de sujets sur lesquels nous reviendrons, alors que, pour finir la rencontre d'aujourd'hui, nous allons retourner en musique avec un groupe qui met à nouveau en valeur certaines particularités de la dynastie Qing. Comme nous l'avons expliqué au chapitre 9, la coalition conquérante organisée par les Manchus a rapidement développé des relations privilégiées avec les différentes populations mongoles. Et c'est pour souligner ce lien particulier que j'ai choisi la dernière pièce de la journée. Le groupe en question se nomme Nine Treasures et il s'agit d'un groupe de folk metal originaire de la région de la Mongolie intérieure. J'ai choisi la chanson éponyme d'un album publié en 2015, une chanson qui s'intitule Galloping White Horses. Voici donc, pour terminer l'émission d'aujourd'hui, la chanson Galloping White Horses, interprété par le groupe Nine Treasures. Mon nom est Carl Derry, je vous dis à la semaine prochaine. 我们下次再见吧. We'll be right back. Tuck and tell them McNeil told them. Tuck and tell them McNeil told them. Tuck and tell them McNeil told them.